Le 29 mars 2002, à 14h04, je ne le sais pas encore, mais un an, 10 jours et 8 heures nous séparent de cette explosion dans le bar de Rishon LeZion à Tel Aviv. C'est Jumu'at, vendredi. Mon nom est Shirin Akras. J'étudie l'histoire de la Palestine, Université islamique de Gaza. L'enseigne du magasin de mon père est de plus en plus sale. Batterie pour voiture. Elle est cuite par le soleil, par le vent, par la pluie drue comme des aiguilles de cette zone industrielle d'Erez où les camions font des allers-retours toute la journée. Je fixe l'enseigne de mon père. Qui sait pourquoi? Peut-être que les jours importants, ceux qui sont différents des autres, même ton regard change. Et tu prêtes soudainement attention à des choses qu'habituellement, les jours normaux, tu ne remarques pas. C'est un jour comme cela aujourd'hui. Je le sais. Cela fait des mois que je l'ai noté dans mon journal. Entouré la date, au feutre vert. Depuis une semaine, je fais le compte à rebours. Moins 7, moins 6, moins 5, 4, 3, 2, 1. Aujourd'hui, j'y suis. Je passe voir mon père. Comme chaque jour avant de sortir, je le salue. Sabah al-khair. Sabah al-khair, bonne journée, sans me regarder. Puis il lève les yeux machinalement et... dès qu'il voit comment je suis habillée, il fronce les sourcils. Ça m'arrive une fois tous les 6 mois de m'habiller comme ça à l'occidental. C'est pas mon genre, je sais bien. Je lui fais comprendre que je suis en retard. J'ouvre la porte et je m'en vais. D'ici à l'université islamique de Gaza... la route n'est pas longue. Je la fais tous les jours. D'abord à pied, puis en autobus, serrés les uns contre les autres, avec mon sac plein de livres, bien fermé. Parce que j'ai honte devant les autres de pouvoir étudier. Fille qui étudie égale famille aisée. Famille aisée égale compromis. Compromis égale tout le contraire de moi. L'arrêt d'autobus où je descends tous les matins est le 12e depuis chez moi. Mais pas ce matin. Ce matin, c'est presque au terminus. De l'autre côté, au bout des maisons, on m'a dit le 3e hangar industriel, au coin, à gauche, il y a un mur de chaux grise avec écrit dessus « Faya Abdelhadi ». Voilà, c'est là. C'est là que je vais à mon premier rendez-vous pour devenir martyr. Martyr d'Al-Qassam. Le 29 mars 2002, à 14h04. Je ne le sais pas encore, mais un an, 10 jours et 8 heures nous séparent de cette explosion dans le bar de Rishon LeZion à Tel Aviv. Mon nom est Eden Golan. J'enseigne l'histoire juive. Ou plutôt j'enseigne l'histoire de tous, juifs ou pas. Depuis des millénaires, c'est la même histoire. Mais moi, je l'enseigne du point de vue des Juifs. Chaque fois que je prends l'avion, quand nous décollons de la piste, alors que les immeubles deviennent tout petits et que les villes tiennent dans la main, chaque fois je pense à ça, à mon métier. Parce que là-dessous, petits comme des fourmis, minuscules, dans des têtes plus petites que des têtes d'épingle, nous faisons la guerre des points de vue. Vu d'en bas, c'est un drame. Tu es dedans. Vu d'en haut, c'est plutôt drôle. Une comédie, une farce, une chose est sûre, j'en fais partie. Le 29 mars 2002, à 14h04. Je ne le sais pas encore, mais un an, 10 jours et 8 heures nous séparent de cette explosion dans le bar de Rishon LeZion à Tel Aviv. Je m'appelle Mina Wilkinson, américaine, femme et soldat. Unité d'appui, soutien d'outre-mer, plus ou moins déclaré. Une chose est sûre, on est là. Ça fait 6 heures qu'on est là dehors, les mitraillettes pointées, les radios allumées, 6 heures, barricadées, serrées. Entre le bleu des sirènes de police et le vert métallisé des véhicules blindés. Yes, sir. Nous aussi. Moi aussi. Je crois que chez moi aussi, de l'autre côté de l'océan, à Minneapolis, Pâques est passé depuis peu. Je crois. Il me semble. Grosso modo, Pâques tombe toujours maintenant. Même si le jour change chaque année. Il pourrait fixer une date, toujours la même, ce serait plus facile pour s'en souvenir. Comme Noël, qui tombe toujours en décembre, réglé comme du papier à musique. Je comprends pas pourquoi ils se mettent pas d'accord pour trouver une date fixe aussi pour Pâques. Je sais pas comment on peut exiger qu'en plus du travail, de la famille et du reste, il faudrait aussi se souvenir de calculer quand tombe le jour de Pâques. Et puis Pâques, de toute façon, c'est moins beau que Noël. Il n'y a pas de fête, pas de décoration, et les vacances durent moins longtemps. Une chose est sûre, on est là. Déployé tout autour de ce taudis de béton gris, dans le village de Kafer Kassem, sur la route de Rosh Hayan. Un cube de béton avec une antenne plantée sur le toit. Les réfugiés appellent ce cube maison et vont même jusqu'à y habiter. Maintenant, là-dedans, il y a un Palestinien de 40 ans qui a pris 2 juifs en otage et menace de leur faire sauter la cervelle. Il le fera, il le fera pas. Pour l'instant, il crie et c'est tout. Depuis 6 heures, il hurle qu'il frappera à la porte du paradis avec les crânes des sionistes. Les racines du sionisme. Titre de la thèse d'une de mes élèves que j'ai revue de fond en comble parce que je ne suis pas intégriste. Je ne veux pas l'être. J'enseigne l'histoire juive, bien sûr. C'est justement pour ça que je ne suis pas intégriste. S'il y a un antidote à l'intégrisme, je le dis toujours, c'est bien l'histoire. Cela t'apprend à rester à l'écoute, toujours. Je m'efforce de le faire. Et si une thèse est partisane, je la corrige. Je reçois des dizaines d'étudiants par semaine. J'ai mon bureau au 3e étage, couloir C. Professeur Golan s'est écrit sur la porte. Mais aujourd'hui, ils repeignent en blanc tout le département. Entrée interdite. Mon élève qui doit passer son master m'a supplié de lui accorder un rendez-vous. Je l'ai fixé dans un bar. C'est Yom Shishi. Vendredi. Mon élève ne s'est pas encore montré, mais je ne m'inquiète pas. J'attends, assis sur une chaise de fer gris inconfortable, à une table de bar, devant le magasin Supersol de Kiryot à Yovel, banlieue de Jérusalem. Il y en a qui disent qu'ici, aucun retard n'est jamais dû au hasard. Ça a toujours un sens. Ça veut dire quelque chose. Mais moi, je n'y prête pas attention. Je m'efforce, voilà, de ne pas y prêter attention. Pour passer le temps, je scrute chaque détail de la rue, aussi loin que possible. Si mon élève arrive en autobus, elle descendra à l'arrêt, en face. À l'extérieur du bar, assis sur le bord de la route à une table, trois juifs russes jouent aux échecs. Très concentrés, coupés du reste du monde, de moi qui les regarde, des klaxons, de tout. Il ne fait pas froid aujourd'hui. J'ai même quitté mon manteau et ma fine écharpe en lin. Je les ai posés sur le dossier de ma chaise. Les voitures filent, vont et viennent en continu, l'une après l'autre. Crachées comme la lave d'un volcan, par l'échangeur du périphérique qui, comme un anneau, enserre la ville tout autour. Comme un collier au cou d'une femme, collier entièrement fait de blindés, de chars d'assaut, de véhicules militaires et de klaxons. L'air est sec. Il irriterait presque la gorge. La porte vitrée du supermarché s'ouvre et se referme, sans interruption. De l'autre côté de la rue, sous les yeux fatigués d'un vigile. Je suis presque hypnotisée par la porte. Elle s'ouvre, se ferme, s'ouvre. Continuellement, comme une bouche. Il y a beaucoup de gens, je me dis. Vraiment beaucoup. Sans doute que jusqu'à hier, tout était fermé à cause de Pâques. Ils entrent les mains vides et sortent chargés de sacs plastiques avec écrit dessus « Supersol ». Des vieilles, des enfants, des petites filles avec des bouclettes. Des adolescents avec des bouclettes, eux aussi, les péotes, qui descendent le long des oreilles, comme celles des elfes. Ils entrent, ils sortent, une foule. Et dans moins de 4 heures, le magasin fermera de nouveau pour Shabbat, comme tous les vendredis au crépuscule. Les sirènes retentiront dans tout Jérusalem, pour rappeler à chacun que c'est Shabbat. Nous nous enfermerons à la maison, et bonne nuit. Moi, assise de l'autre côté de la rue, j'attends une élève qui n'est jamais en retard. Quelle heure est-il, je demande aux juifs russes. Mais ils sont trop absorbés par les échecs, et ils ne m'entendent même pas. À Shahashtime Vezor Dakot, il est 2h10, me répond une voix d'homme, tandis qu'il passe à côté de moi. C'est le vigile du Supersol. En uniforme vert et casquette bleue, qui entre-temps a traversé la rue et est venu ici au bar pour s'acheter Liter Maïm, 1 litre d'eau. Accroché sur la poitrine, un badge avec son nom, Chaim Smadar. Le rendez-vous était fixé à 2h15. Voilà 25 minutes que je suis là à attendre. Et quand je m'ennuie, je finis toujours par avoir faim. Je cherche dans mon sac et j'en sors une de mes galettes de pain azim, les matzot, qu'on mange pour la Pâque juive. Je me dis que je ne devrais pas en acheter. Elles me font grossir les matzot, mais c'est tellement bon. Et puis il n'y a pas de Pâque sans matzot. De l'intérieur du bar, on entend très distinctement les infos à la radio. Un arabe qui, à Gaza, a poignardé 2 des nôtres. Et un du Hamas qui a explosé tandis qu'il préparait sa bombe. Un accident de travail, ni plus ni moins. marmonne l'un des juifs russes qui, cette fois et comment, se laisse distraire du jeu d'échecs. C'est déjà ça de moins, dit le barman. Et il continue de laver les verres. Je n'interviens pas. Je mords dans une de mes mazzottes pour me changer les idées. Je marche. Une radio allumée dans un sous-sol annonce qu'un des nôtres à Gaza a poignardé deux des leurs et qu'un du Hamas a explosé tandis qu'il préparait sa bombe. Il y a un lien étroit, profond, entre le martyr et son explosif. Ça, je le sais déjà, ça me concerne. Je marche. Il n'y a pas âme qui vive ici. Rien que des immeubles à demi éventrés et des entrepôts d'usines. Drôle d'endroit pour rencontrer une candidate au martyr. Je tourne au coin. Je repère le mur. Il n'y a qu'une porte, au troisième hangar de la tôle verte. À côté l'enseigne Neibet, délégation. Je frappe, un bip électrique, la serrure s'ouvre, j'entre. Il y a beaucoup de lumière à l'intérieur. Des néons allumés courent au plafond et l'espace est immense. Là-bas, au fond, une table. Ils sont assis tout autour, ils sont trois. Et devant, au milieu, une chaise. C'est là que je dois aller, j'imagine. J'avance. Personne ne parle. Je vais m'asseoir quand apparaissent pour me saluer Ayat et Wafa, mes deux amis de l'université qui m'ont fait connaître l'organisation. Ayat est une jeune femme grande, belle, les yeux puissants et sombres. Une voix limpide qui devient extraordinaire quand elle lit à voix haute les versets du Coran. Wafa est plus petite. Elle reste souvent silencieuse, mais rien ne lui échappe. Elle a une cicatrice sur le visage, sur la joue droite, comme la lettre Rein, laissée là comme un poinçon. Ils me fixent tous les trois. Je m'assois. Le fait que tu aies été admise à l'entretien ne veut pas dire que tu seras recrutée. Je suis ici pour prouver ce que je vaux. Quels sont les 5 commandements du Shahid ? Servir la cause. Venger ceux qui nous ont été enlevés. Œuvrer au nom d'Allah. Changer la situation sans attendre. Ne pas baisser la tête devant l'occupant. Al-Qassam est une brigade spéciale. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et on nous a parlé de toi comme quelqu'un de déterminé. Cela fait 10 mois que je demande à vous rencontrer. Tu as répondu correctement à tous nos modules. Tes motivations nous ont semblé convaincantes. Et après t'avoir observé, on nous a confirmé que tu as un mode de vie cohérent. Mais ça ne suffit pas. Pour être recrutée comme héroïne, tu dois nous convaincre que ton âme est prête. Pas ta tête, pas ta volonté. C'est ton âme qui doit nous apporter la preuve que tu es forte, pour que tu ne renonces pas à cause d'elle. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire ? Il y a 2 épreuves pour tout le monde. Si tu les surmontes, tu seras admise au martyr pour les brigades d'Al-Qassam. J'accepte. Et nous acceptons de te mettre à l'épreuve. Dans 2 mois, le 29 mai, Présente-toi au checkpoint du poste frontière d'Erez, axé nord de la bande de Gaza. Tu verras une jeune fille qui boite. Elle sera habillée en jaune et portera un voile marron. Elle s'approchera des soldats, demandera à passer le poste frontière sans être fouillée. Ils refuseront, elle fera des histoires, ils appelleront leurs supérieurs. Quand tu verras autour d'elle une foule d'au moins 6 personnes, appelle ce numéro de téléphone qui est relié au détonateur. Comme ça, ce sera toi qui la feras sauter. Un de nous sera dans la foule pour vérifier. Si tu n'en as pas le courage, nous serons là, quoi qu'il en soit, pour la faire exploser. Mais toi, tu seras exclu. Mon ami Hayat s'approche, me tend un numéro de téléphone écrit sur un papier. Je dois le noter dans mon téléphone. Je le fais aussitôt. 45 61 37 02. Déjà préparé, prêt. Je souris à Hayat, tandis que Wafa me serre fort les mains. Après un peu plus d'un an, je vais entrer dans l'organisation, de plein droit, et par la grande porte. Aux États-Unis, une fois chez moi, j'ai assisté à une prise d'otage. Oui, deux jeunes. Ils étaient à l'intérieur d'une banque. Ou peut-être que non. Peut-être que c'était un bureau de poste. Les prises d'otages, chez nous, on les fait là où il y a de l'argent. La banque, le bureau de poste. Ici, non. D'ici d'où je suis, là où je suis postée, je peux les voir tous les trois. Le Palestinien avec le keffieh autour du cou et les deux Juifs au visage écrasé contre la vitre de la fenêtre. Ils les gardent là comme dans une vitrine, avec un fusil pointé sur leur tête. Jusque-là, rien d'étrange. Avant-hier, c'est arrivé à Balata, à la périphérie de Naplouse. La même histoire avec trois otages, au rayon 20 du supermarché. Mais cette fois-là, ça s'est passé comme sur des roulettes. À un moment donné, les forces armées ont fait irruption. Des flots de sang au milieu du vin. Rouge sur rouge, camouflé. Deux coups de serpillière, on ramasse les morceaux de verre, les cadavres dans des sacs plastiques et tout le monde à la maison. Affaire réglée. Mais ici, aujourd'hui, autour de cette maison cube de Kafer Kassem, il y a certainement eu un contretemps. Le contretemps, yes, sir. Parce que s'ils nous ont appelés, nous aussi, les Américains, les Occidentaux, comme ils disent, alors cela veut dire qu'il y a the hitch. The hitch, ça veut plus ou moins dire le contretemps. Mais derrière le mot, il y a tout autre chose. Et quelqu'un comme moi, balancé là depuis quelques années, a désormais compris ce que ça veut dire, il l'a même bien compris. Le contretemps se déclenche à chaque fois qu'entre les deux, les Arabes et les Israéliens. On ne sait pas qui a commencé, on ne sait pas à qui est la faute, on ne sait pas qui est la victime et qui a agressé, bref. Quand le dieu des uns et le dieu des autres foutent le bordel et que ça risque de tout faire sauter, alors ils nous appellent nous, les Occidentaux, venus de l'autre côté de la planète, jusqu'ici, dans cette partie du monde devenue folle, où l'on prie un dieu différent à chaque coin de rue. L'un qui gueule « propriété privée », l'autre qui répond « j'étais là bien avant ». Yes, sir. Je regarde autour de moi. La police israélienne a hâte d'en finir. D'ici peu retentira la sirène de Shabbat. Parce qu'ici, dans cette partie du monde, Dieu s'occupe aussi de faire hurler la sirène en plus d'imposer le jeûne au mégaphone. Où est le contretemps cette fois? Notre fonction ici est de les entendre l'un et l'autre, nous faire une idée, comprendre. Pas pour une question de justice. La règle, c'est toujours voir ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà pourquoi, à l'entraînement, avant de nous balancer dans cette partie du monde, on nous donne toujours la même consigne. Pas trop d'empathie. Prendre position de l'extérieur et non de l'intérieur. Ici et maintenant, par exemple, nous sommes en principe contre l'islam. Mais quand nous étions dans la merde là-bas en Bosnie, dans notre camion vert olive à Sarajevo, nous tapions sur l'épaule des Moudjahidines, tous ensemble contre ce salaud de Serbe. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Yes, sir, ce qu'il y a de mieux à faire. La police israélienne s'est entièrement rassemblée dans un coin, à droite du cube gris. Les gars du Shin Bet nous disent que le Palestinien est dangereux, affilié aux brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Il a des explosifs dans la maison et menace de faire sauter un des leurs dans l'hôpital de Bikur Sholim. Qu'est-ce qu'on attend? On a des tireurs prêts et un groupe d'assaut. Donnez-nous le feu vert, on lui tire une rafale dans le front, on libère les otages et allez tous à la maison parce que c'est bientôt Shabbat. Les Palestiniens, famille, amis du ravisseur dans le cube sont du côté opposé. Leur version est très différente. Ils nous disent que le Palestinien est un homme tranquille, qu'il ne fait pas partie du Hamas ni du djihad. Des explosifs dans la maison, même pas en rêve. Aziz, il s'appelle comme ça, Aziz. C'est un laïc, pas un fondamentaliste, il est boulanger. C'est juste qu'ils lui ont fait perdre la tête. Parce que la sixième fois, quand ils sont entrés chez lui, comme font les Israéliens dans les villages de réfugiés, ils ont défoncé la porte en prétextant un contrôle. Ils ont déchiré les canapés, éventré le matelas. Ils ont cassé toutes les assiettes par terre pour fouiller dans les étagères de la cuisine. Et quand sa femme, Latifa, est rentrée à la maison, ils lui ont mis la main entre les cuisses. Aziz a perdu la tête, il a pris le fusil de son père. Il y a de quoi le comprendre, ils disent. Yes, sir. Il y a de quoi. Le voici, le contretemps. Nous, occidentaux, balancés de l'autre côté de la planète pour servir de médiateurs entre un dieu et un autre. Entre Hamas, Mossad, Shin Bet, Djihad. Au bout du compte, on est juste là pour ça. Pour prendre nos responsabilités, donner notre aval, yes sir, faire pencher la balance, voir ce qu'il y a de mieux à faire. De toute façon, ça sert à quoi? Quelle que soit la manière dont ça se finira aujourd'hui, dans ce cube gris appelé maison, il y aura de toute façon demain quelqu'un pour venger l'affront. Sur la route de Jaffa, quelqu'un se fera sauter pour venger le dieu offensé d'Aziz. Ou à Bethléem, des jeunes filles arabes seront violées et balafrées par de faux agents du Mossad. Je baille. Qu'est-ce que je m'emmerde? J'ai l'estomac qui bouge tout seul. J'ai faim. Voilà, oui. Je vais penser à ce que je vais manger ce soir. Ça y est. Les nôtres donnent le feu vert. Le vacarme de l'intervention. Le fracas des vitres. La lumière des pistolets mitrailleurs. En 30 secondes, Aziz est déjà mort. Les otages sont libres. Applaudissements des saints, malédictions des autres, la foule qui hurle, drapeau brûlé. Ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était donner raison aux Israéliens. Les infos diront « Dangereux terroriste tué à Kafr Qassem » et une autre journée de bouclée. dangereux terroriste tué à Kafer Kassem, disent les infos. Alors que mon élève ne se montre toujours pas. Dangereux terroriste tué à Kafer Kassem, disent les infos avec un certain soulagement. Comme si le premier commandement était toujours la sécurité. Un terroriste en moins, et ça va mieux. Je dois être stupide. Je dois être différente. Mais cette obsession de la sécurité n'est pas la mienne. L'autobus, entre-temps, crachote et referme ses portes. Deux des femmes qu'il a déchargées traversent la rue vers le supersol. Une autre, une jeune fille avec un voile sur la tête, entre dans mon bar. En passant, elle effleure mon manteau et fait tomber mon écharpe par terre. Elle s'arrête, se penche, la ramasse, me l'attend. Elle a un petit nez, un peu pointu, et les lèvres dessinées. On dirait une petite fille. C'est peut-être le cas. Une de celles qui récitent des poèmes à la télé palestinienne. Les petites filles modèles de l'UNRWA, l'école des réfugiés. Voilà. Une petite fille palestinienne s'est arrêtée pour ramasser mon écharpe. Et une raison de plus pour ne pas les haïr. Devant le supersol, il y a une promotion pour les paquets de matzot. Évidemment, comme toujours après Pessah. D'un coup, j'y pense et je me dis, mais oui, pourquoi pas? Si j'en achetais, quand mon élève arrivera, je la verrai à travers les portes vitrées du supermarché. Et puis j'ai bien attendu, elle attendra elle aussi. C'est décidé, je vais me lever quand tout d'un coup quelque chose me pousse par derrière. Une jeune fille, 17 ans à peine, est en train de lacer ses chaussures de sport. Elle porte un sac à dos sur l'épaule. Mais il me faut un moment pour comprendre qu'elle m'a bousculé sans faire exprès avec son sac. Elle sursaute, se relève, se retourne, croise mon regard, puis me fait « Quoi, qu'est-ce que t'as à me regarder ?» Avec deux yeux énormes, dilatés, écarquillés, arrogant, oui. Arrogant. Comme un point d'interrogation. Deux mitrailleuses, deux phares d'automobile ou de blindés. Je lui dis, fais un peu attention à ce que tu fais. Elle hausse les épaules, fait une grimace comme si j'étais idiote, fouille dans sa poche, en sort un bout de papier, la liste des commissions, puis traverse la rue vers le supersol. Je la suis du regard, tandis qu'elle prend un chariot, qu'elle y met son sac à dos et relie la liste sur le bout de papier. La petite fille avec le voile sur la tête, celle bien élevée, traverse elle aussi la rue vers le supersol. Je ramasse mon manteau, replie la fine écharpe en lin et je m'apprête à la suivre. « Professeur Golan, excusez mon retard !» Du coin de l'œil, de l'autre côté de la rue, je vois le vigile qui laisse passer la mal élevée au sac à dos et arrête la petite fille avec le nez pointu. Je me dis, tiens, à sa place, j'aurais fait exactement le contraire. Je me tourne vers mon élève. L'explosion est extrêmement puissante. Elle nous jette à terre toutes les deux. Au milieu des éclats de verre du supersol qui arrive jusqu'ici. Les voitures s'arrêtent net. Les caddies déversés dans la rue comme des projectiles. Catapultés. Les sirènes des véhicules garés. Les cris. Le silence. Dans la fumée, jeté à terre, le cadavre déchiqueté du vigile. Avec son badge, Chaim Smadar. Le corps ouvert, au milieu troué de la jeune fille au sac à dos. Celui de la petite fille n'est plus là. Il a explosé. Il n'est plus là. Il a disparu, volatilisé, zéro, rien, néant. Pulvérisé en 100 000 morceaux, dès qu'elle a tiré sur sa petite corde, reliée à 10 kilos de TNT. Il n'existe plus. Il est comme les pavés de la rue. Comme les minuscules morceaux de verre. Comme les pions d'un jeu d'échecs éparpillés sur l'asphalte jusqu'à mes pieds. Et plus loin encore. Je tousse. La poussière dans la gorge. J'ouvre les yeux lentement. Je suis là. Je fais l'appel de tout mon corps. J'existe. Je continue. Je survis. Je renais. Celui qui réchappe à un attentat reste en vie, mais avec la mort fixée dans la tête. Et cette mort qu'on ne t'a pas donnée reste suspendue comme une dette dont tu devras tôt ou tard t'acquitter. Ces paroles me trottent dans la tête. Je les ai entendues il y a quelques jours, à la télévision, dans la bouche d'une femme, après une bombe à Naplouse. C'est le 29 mars 2002. Je ne le sais pas encore, mais... un an. 10 jours. Et 8 heures nous séparent de ma mort. Dans le bar de Rishon LeZion, à Tel Aviv. Nous y sommes. Je répète par cœur, en moi, encore. 45, 61, 37, 02. 45, 61, 37, 02. Le téléphone serré dans la main, le doigt déjà posé sur le 4, prêt. 45, 61, 37, 02. Hier, j'ai passé l'après-midi à tout récapituler. Toujours avec mon amie Wafa. Hayat nous a rejoint plus tard parce qu'elle a un petit garçon, Hayat. Nous avons même simulé la scène. Ils m'ont dit, penser est une chose, Chirine, faire en est une autre. Nous voulons voir comment tu te comportes. Fais tout comme si c'était vrai. Et j'ai fait les choses, les unes après les autres. Même le numéro de téléphone, les doigts, les touches, comme en vrai. 45, 61, 37, 02, comme en vrai. Wafa m'a dit, à cet instant, il y aura l'explosion. Prépare-toi au contre-coup. Je me suis préparée, même au contre-coup. Je me suis préparée aux éclats de verre, à la poussière, au sang. Hayat sourit. Elle est fière de moi. Dès que tout sera fini, je l'appellerai pour lui dire « Je l'ai fait ». 45, 61, 37, 02. Comment ça se fait que les mouches si petites fassent un bruit qui me semble énorme? Quand elles volent près de mes oreilles, ce sont de vrais hélicoptères. Elles minuscules et pourtant gigantesques. J'en chasse une, puis une autre. Je fixe le revers de ma main. Elle tremble. Et je voudrais qu'elle ne tremble pas. Après tout, qu'est-ce que j'en ai à faire? Elle peut bien trembler. L'important, c'est qu'elle joue son rôle, qu'elle ne se défile pas au dernier moment, comme dit Wafa. 45, 61, 37, 02. Je garde les yeux rivés sur les autobus quand ils arrivent au poste frontière. Ils ouvrent les portes, déchargent les gens, repartent. Ils ouvrent les portes, déchargent les gens, repartent. Celle que j'attends descendra tôt ou tard. Une jeune fille qui boite, robe jaune, voile marron, c'est tout ce que je sais. 45, 61, 37, 02. Je m'efforce de sourire. Pourquoi j'ai l'impression que tout le monde me regarde? Je mets les mains dans mes poches, le téléphone serré. Un chauffeur de taxi, assis sur son coffre, feuillette le journal. Des juifs extrémistes dévastent un cimetière. C'est le seul endroit au monde où même les morts ne reposent pas en paix. La police israélienne couvre les passages à tabac. Fusée israélienne sur la bande de Gaza. Comme si c'était fait exprès. Si jamais j'étais indécise, si je devais hésiter, si ma main tremble, voilà une liste de bonnes raisons. Je relis depuis le début les titres en première page. Des juifs extrémistes dévastent un cimetière. 45, 61, 37, 02. La police israélienne couvre les passages à tabac. 45, 61, 37, 02. Fusée israélienne sur la bande de Gaza. 45, 61, 37, 02. Hier après-midi, Wafa, Hayat et moi, nous n'aurions pas pu penser que sur place, nous aurions bénéficié d'un pareil soutien. Une liste de bonnes raisons, comme un coup de pied aux fesses pour composer ce numéro de téléphone. Et advienne que pourra. Le chauffeur de taxi bâille. Son portable sonne. pareil au mien. Il ne sait pas que dans quelques minutes, sous ses yeux, surgira une autre nouvelle pour le journal du lendemain. Ici, l'histoire s'écrit en direct. Il suffit de composer un numéro de téléphone 45 61 37 02. Il n'arrête pas de bâiller le chauffeur. Même lorsqu'un de ses collègues arrive sur les chapeaux de roue, dans un vieux taxi, l'autoradio allumé à fond, diffusant une des prédications de l'imam Marwan. Que répondras-tu si on te demande ce que tu as fait, toi, contre la catastrophe de Ramallah ? De la porte arrière du taxi, point une ombre jaune, et le voile, oui, est marron. Que répondras-tu si on te demande ce que tu as fait, toi, contre la catastrophe de Ramallah ? La silhouette jaune s'éloigne du taxi. Elle s'éloigne lentement. Elle s'éloigne en boitant. Je sors le téléphone de ma poche. Mon doigt est posé sur le 4. Je fixe la tache jaune qui se dirige à présent dans ma direction, vers le checkpoint d'Erez. Que répondras-tu si on te demande ce que tu as fait, toi, contre la catastrophe de Ramallah ? Quand elle passe devant moi, marron et jaune en boitant, je ne peux pas faire autrement que de fixer ses mains. Les siennes ne tremblent pas. Immobile, parfaite. C'est presque encore une enfant, insignifiante, comme les mouches, je me dis, comme les mouches à mon oreille. Elle aussi, d'ici peu, fera un immense fracas, plus que 10, 20, 100 hélicoptères. Elle passe devant moi. Elle s'arrête au checkpoint. J'entends les voix. Un autre accourt. Puis un autre. Mon doigt est posé sur le 4. Un autre doigt déjà prêt sur le 5. Voilà. Maintenant, c'est mon heure. 45, 61, 37. Là, je m'arrête. Ma main est bloquée. Elle ne répond plus. Ne m'appartient plus. Suspendue dans les airs comme un arrêt sur image dans un film. Je me mords le poignet, il ne se passe rien. Elle est immobile. Je n'y arrive pas. Elle est immobile. Je n'y arrive pas. Je n'y suis pas arrivée. J'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. Là, je me réveille, en sueur, trempée. Il ne fait pas encore jour. Mon ami Hayat m'a dit hier, l'attente, c'est pire que de le faire. L'attente, oui. Elle avait raison. Dans quelques heures, j'aurai mon épreuve. 45, 61, 37, 02. Jeune fille en jaune, voile marron, elle boitera. Je fixe le radio-réveil 4h21. En sueur, trempée, comme si je venais de sortir de ma baignoire. Avec mes mains, j'inspecte le reste du lit. C'est devenu un lac sur lequel je flotte. J'ouvre les yeux. Dans l'obscurité de ma chambre, je fixe le radio-réveil. 4h21. La même scène, la même heure, à une minute près, le même lac sur lequel je flotte. On m'a dit que c'est normal. Celui qui réchappe à un attentat reste en vie, mais avec la mort fixée dans la tête. Ce qu'on ne m'a pas dit, c'est que la mort frappe à la porte, surtout la nuit. Dès que tu fermes les yeux, dès que tu baisses la garde, dès que la nature veut que tu te dises « Repos, j'ai confiance, bonne nuit !» Eh bien, justement, non. Depuis que je me suis relevée là-bas dans la rue, entre la poussière et les éclats de verre du supermarché, c'est comme si la mort se tenait à mes côtés. Toujours. Mais pas la mort à laquelle j'ai réchappé. Je veux dire, leur mort à eux. Celle que si je pouvais, vengeance, échange. Qu'est-ce que je raconte? La preuve en est que la nuit, quand tu te réveilles en sursaut, une part de toi que tu ne soupçonnais pas remonte à la surface. Moi, je veux leur mort. C'est ça que je veux? Me venger, moi? Moi qui fais partie des comités pour le dialogue? Moi qui ai toujours pensé, nous devons trouver une issue, moi? D'accord. Je l'avoue. Qu'est-ce que je peux y faire? Je ne veux pas me venger. Je veux être en sécurité. Voilà, oui, c'est ça. En sécurité. Moi qui m'en suis sortie vivante de justesse, je ne veux pas que cela se reproduise. La sécurité, juste la sécurité! Je les sens autour de moi. Partout. À cet instant aussi. À travers le plafond. Qu'est-ce que le dialogue a à voir là-dedans? Si nous, nous nous servons de la tête et haut du TNT. Mais bon sang, mais qu'est-ce que je raconte? Comme si nous, nous ne lancions jamais de roquettes. Minute. Les roquettes servent à punir. Pour notre sécurité, voilà, oui, c'est ça. Pour notre sécurité. Ce n'est pas ce que je demande, ce n'est pas ce que je veux. Qu'est-ce que je dis? Voilà que d'un seul coup, les roquettes, ça me va. Ce n'est pas moi qui ai toujours dit « Deux erreurs ne font pas une vérité ». Et d'un seul coup, je ne le pense plus. Je me retourne dans mon lit. Je sais que s'ils disparaissaient tous, maintenant, à cet instant, je serais contente. La mort ? La mort ? Je suis devenue folle ? Je cherche un antidote, je n'y arrive pas. J'ai écrit des dizaines de livres, d'articles, d'essais. J'ai soutenu de mille manières que nous avions les mêmes racines, eux et nous et tous les autres. Même création, même prophète, même ville, même terre, même air. Et pourtant, je suis vivante par miracle. Me voilà avec les yeux grands ouverts, dans un lac de sueur. Moi ici, dans mon lit, avec la peur folle de me dire que, peut-être... Oui, peut-être. Et si mes livres n'étaient que du papier ? Si ce n'était que de la théorie ? Si ce n'était que des discours ? Oui, je le dis, si ce n'était que des mots. Les explosifs, eux, ne font pas tant d'histoire. Le TNT ne connaît ni les prophètes ni l'histoire. Il explose et c'est tout. Il s'en fout, le TNT, de savoir si les racines sont les mêmes. Je me retourne dans mon lit. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je me sens sans défense à présent ? Je voudrais que quelqu'un me dise qu'à compter de demain, il y aura un mur énorme, très haut. Un mur entre eux et nous. Nous avec les nôtres de ce côté, eux avec les leurs de l'autre côté. Il n'y a que comme ça que je pourrais dérouler mes beaux discours. Même racine, bien sûr, même prophète. Mais au milieu, de toute façon, il y a le mur. Je me retourne dans mon lit. En fin de compte, cette histoire de mur, ce n'est pas ce qu'ils veulent, eux. Donnons-leur et c'est tout. Un état, des frontières, une... Mais oui, bien sûr. Et qui prend la décision ? Eux ? Juste parce qu'ils ont le TNT ? Mais s'ils baissaient un peu la tête ! Qu'est-ce que je raconte ? Qui est-ce qui parle en moi ? Ce n'est pas ma tête, ça. Ce ne sont pas mes pensées. Si seulement je pouvais dormir, retrouver le sommeil. Demain matin, avec la lumière, je verrai les choses différemment. Demain matin, avec la lumière, je sortirai le chien et tout sera tranquille. Demain matin, avec la lumière, j'irai au café acheter deux petits gâteaux tout chauds. Demain matin, avec la lumière, je lirai le journal et je... Et qui se sera encore fait exploser ? Nous ne serons jamais en sécurité. Je ne serai plus jamais en sécurité tant qu'un des leurs... Assez. Assez. Je me lève. 4h30. Une Une autre nuit blanche. Et voilà, pour la énième fois, kamikaze au checkpoint du poste frontière d'Erez. 8 victimes, des blessés graves. Hier matin, une jeune fille d'âge indéterminé s'est fait exploser, avec un mécanisme probablement actionné depuis un portable. Elle était habillée en jaune et marchait en boitant. Attentat revendiqué dans la soirée par les brigades des martyrs d'Al-Qassam. Désormais, on n'est même plus surpris par ces unes de journaux, qui sont comme un communiqué de guerre quotidien, 100 fois pire que si on était en conflit ouvert. Nous, les Occidentaux en garnison au Moyen-Orient, nous les lisons du coin de l'œil, entre les nouvelles sportives et la météo. Impossible de comprendre ce qui se passe dans ces têtes bizarres. Moi, je dis tordu. Assez tordu pour se faire exploser, et peut-être même avec le sourire aux lèvres. Et la famille, frères, sœurs, tous dans la rue à fêter ça. Ce sont de drôles d'endroits par ici, où la maladie est à l'intérieur des têtes, au plus profond, infiltrée. Ils s'en prennent les uns aux autres comme des bêtes, mais en fin de compte, ils sont tous pareils. Ils ont cette manie-là de la loi, mais pas la vraie loi, non. L'autre, la religieuse. Il travaille pas le samedi parce que c'est la loi qu'il dit. Il travaille pas pendant les fêtes parce que ça non plus ils peuvent pas. Et pour tous c'est comme ça. Ils mangent pas ça, ils boivent pas ci, ils disent pas ça, ils n'osent pas ci. Même les barbes, les cheveux, les chapeaux, tout est réglementé. C'est un labyrinthe à devenir fou. Les uns comme les autres, tous pareils. Aujourd'hui, on est affecté à la surveillance d'un poste de contrôle. Le contretemps, c'est à cause des ambulances. On nous a dit de les arrêter, toutes, sans exception, de les perquisitionner. Les ambulances, les ambulances. Parce qu'il paraît qu'ils ont la combine suivante. Celles qui veulent mourir en martyr se bourrent d'explosifs et se glissent dans une ambulance. Ils mettent en route la sirène, ils filent vers le poste de contrôle. Ils s'arrêtent un instant et ils disent « On a quelqu'un qui est en train d'accoucher. » Toi, tu regardes à l'intérieur. En effet, tu vois une femme qui se lamente. Tu n'insistes pas. Allez-y, dégagez. Et eux, ils s'en vont dans un pub se faire exploser. La dernière fois, c'était hier. Depuis ce matin, ordre. Arrêtez toutes les ambulances, les contrôler à fond. Quelqu'un doit accoucher ? Eh ben, ça attendra. Nous sommes là en renfort et pas seulement, vu que depuis quelque temps, ils se font toujours exploser à proximité des ambassades. Parce qu'en définitive, dans cette guerre, entre le dieu des uns et le dieu des autres, c'est nous qui nous retrouvons coincés. Nous, qui avons un aumônier militaire. Et les 10 commandements, je les sais même pas par cœur. Je regarde les Israéliens arrêter les ambulances. Ils font descendre tout le monde, un par un. Et même le brancard de quelqu'un qui est en train de faire un infarctus. Je les regarde ouvrir les trousses à pharmacie, les bonbonnes à oxygène, les défibrillateurs. Par chez moi, là où je suis née, l'église n'est pas plus grande qu'une chambre et je ne l'ai jamais vue pleine. Le pasteur, c'était un type avec les cheveux roux qui a disparu du jour au lendemain. On disait qu'il buvait. Il a perdu la tête, on l'a remplacé. Il n'y a que pendant les élections que l'église se remplit. Alors là, oui, ils organisent les comités, les groupes de pression, comme si un ressort sautait sous les fesses. Comme si ce dieu sonnait la cloche tout d'un coup, lui qui est trop occupé avec les postes de contrôle et les ambulances pour regarder aussi ce qui se passe en bas. En bas, où les prêtres se consolent avec la bouteille parce que l'église est à moitié vide. Je regarde les Israéliens ouvrèrent le coffre de l'ambulance, tandis que le médecin palestinien tape du poing sur la carrosserie, que le patient à l'intestin perforé et crie comme un animal. L'officier bouge pas d'un millimètre. Le patient crie, le médecin encore plus. Alors l'officier a un déclic. Il arrête une voiture, la première qui passe. À l'avant, deux jeunes, avec des blousons de marque portant l'inscription « King Bowling ». Vous allez où ? À une fête ? Bah d'abord à l'hôpital, vous déchargez ce paquet. Et on pousse le patient sur la banquette arrière. La voiture redémarre. Lui, il hurle le temps qu'il peut. Si c'est pas vrai, c'est un grand acteur, je me dis. Mais pour Dieu, il ferait cela. Et pire encore. Quand j'ai acheté mon frigidaire, le centre commercial m'a demandé si je voulais avoir une remise. On te fait une remise si tu réponds à un questionnaire. 20 pages. Après, ils servent des réponses pour t'envoyer de la publicité. Je me souviens qu'à un moment, du style page 18, il y avait écrit « Optionals ». Et en dessous, tu te considères croyant, si oui, mettre une croix devant sa religion. J'ai coché christianisme. Et depuis ce jour, je reçois des dizaines de prospectus à la maison avec des offres alimentaires pour Pâques, Noël et bien d'autres fêtes. Maintenant que j'y pense, j'ai peut-être droit à une remise à la caisse. Quand je rentre, j'irai m'informer. Je me maquille les yeux devant le miroir. Cils, sourcils, les lèvres. J'ai choisi ma plus belle robe, celle du mariage d'Ayat. Les chaussures sont élégantes, les plus chères que j'ai. On les a achetées ensemble, Wafa et moi, il y a un an. Je regarde ma montre, 18h33. Plus qu'une heure et 27 minutes avant ma deuxième épreuve. Cils, sourcils, je mets du fard sur mes joues et du rouge sur mes lèvres. Dans la lettre avec toutes les instructions, ils me l'ont laissée à la poste restante, il y a écrit « Se présenter en tenue élégante ». Parce que la deuxième épreuve se déroule dans un pub à la mode, au beau milieu d'une fête. Je dois entrer, vérifier que tout est prêt et surtout que sont déjà installés à une table au centre les deux jeunes avec leur blouson de marque King Bowling que je dois faire sauter dès que je serai ressortie. Cette fois, pas de téléphone. J'ai avec moi un petit boîtier avec un bouton dessus. On dirait un jouet, comme pour les trains téléguidés. Ils m'ont écrit d'actionner la commande à 200 mètres. Cela veut dire que la déflagration sera terrible, très forte. Tout l'établissement va s'écrouler. La deuxième épreuve est toujours plus difficile. Ils ne croiront en moi que si je la surmonte. Je me maquille devant le miroir. Ils passeront bientôt me chercher. Le dîner de Hanouka avec les collègues est une habitude à laquelle je ne renonce pas. Je ne l'ai jamais fait. Je ne vais pas commencer maintenant, même si cela fait des mois que je ne sors pas, de peur d'un autre supersol. Ils ont choisi un établissement moderne. Je ne sais pas où il se trouve, et cela m'inquiète un peu. Depuis qu'il y a eu la guerre de Kippour, il est de tradition de faire des attentats les jours de fête. C'est un risque, mais qu'est-ce qui ne l'est pas? Si je ne veux pas vivre à l'écart du monde, il faut bien que j'essaye de mettre le nez dehors. Mon petit sac avec les cadeaux est prêt. Quelques livres, un parfum, un portefeuille. J'espère n'avoir oublié personne. Chaque année, j'oublie quelqu'un. On verra bien. Ce n'est pas un crime. Je finis de me maquiller en vitesse. Cils, sourcils. La dernière fois que je me suis maquillée, c'était pour la remise de diplôme de Wafa, qui maintenant fait son stage de doctorat. Ce soir, je l'appellerai pour lui dire « Je l'ai fait ». À Hayat, je le dirai demain quand j'irai la voir. Le soir, son fils dort. Je ne veux pas déranger. Voilà, c'est fait. J'en ai fini avec le maquillage. La robe est prête. Les chaussures sont belles mais serrées. Dans mon sac à main à paillettes, j'ai déjà glissé dans la trousse à maquillage le boîtier avec le bouton dessus. 19h02. Encore 58 minutes. Je sors dans la rue. C'est décidé, j'irai à pied. Ce n'est pas loin d'ici, je serai dans les temps. Ce soir, il y a une circulation folle. Sans doute parce que c'est un jour de fête. Leur fête, pas la nôtre. Ils sont tous dans leur voiture, élégants. On dirait que chacun va à une fête ce soir. Pour une fois, nous sommes tous pareils. Parce que ce soir, moi aussi je vais à une fête. Ce soir, il y a une circulation folle. Enfermée dans cette voiture, une berline rutilante avec l'odeur caractéristique des voitures neuves, nous parcourons 20 mètres en une demi-heure. Le collègue qui est passé me chercher enseigne la littérature et c'est un va-t-en-guerre. D'habitude, je me dispute avec lui sans ménager mes propos. S'il y a bien un spectacle que je ne supporte pas, c'est celui des phrases préconçues, sans cervelle, dans la bouche de ceux qui, en réalité, en ont un de cerveau. Yitzhak est de cela. Il excelle dans les phrases toutes faites. Pourtant, il écrit des livres avec des intuitions géniales. Il est capable de dégainer des théories surprenantes. Mais en la matière, il donne le pire de lui-même. Ce soir, comme toujours, coincé dans cet embouteillage qui n'en finit pas, il me sort tout son répertoire. Les colons ont toujours raison. Les Palestiniens provoquent et c'est tout. Nous n'avons rien à nous reprocher. j'essaie de réagir. Je le fais toujours. Mais à chaque fois que j'essaye, la détonation du supermarché retentit dans ma tête, immédiatement, comme un écho. Et je ne dis rien. Je reste muette ce soir. Il y a des moments dans la vie où tu te dégoûtes toi-même. Mais tu acceptes de te dégoûter. En voilà un. Lui vomit des flots de paroles, comme les voitures autour de nous sur les boulevards. J'écoute, je ne réplique pas. Qui ne dit mot consent, même lui est étonné. Je voudrais sortir d'ici. Quelle heure est-il? Sur le tableau de bord, le cadran indique 19h17. J'ai 43 minutes. Le pub n'est pas loin, à un pâté de maison en direction du centre. Je m'assois sur un banc en fer, devant une méga affiche de publicité. Crème de beauté, anti-rides. En gros caractères, il y a écrit « Jeune pour toujours ». Je reste assise là, avec aux pieds mes chaussures serrées, maquillées, élégantes. Je brille de mille feux. Tout d'un coup, je vois mon reflet dans la vitre d'un autobus qui s'arrête dans la file, juste devant moi. Me voilà comme dans un cadre. Moi, 20 ans, maquillée, pomponnée comme un mannequin, avec derrière l'inscription « Jeune pour toujours ». Et dans mon sac à main, un boîtier qui fera des étincelles. Je me lève. Si je fais deux fois le tour de pâté de maison, je devrais faire passer le temps qu'il me reste. Je passe devant le pub. Sur le pas de la porte, un jeune homme essaie d'en convaincre un autre. « Allez, on va se marrer, viens !» Je n'entends pas la réponse. Je ne peux pas m'arrêter. Habillée comme ça, je me ferais remarquer. Je lève la tête. Ce soir, je suis frappée par les affiches. Il y en a une pour une marque de montre. Sans luxe, vivre n'est pas vivre. Une autre avec une belle voiture. Tout ce que je veux. Une autre gigantesque avec un téléphone. Toutes tes réponses. Et une pour une assurance. Je ne veux pas de règles. Nous venons de passer devant l'établissement où nous sommes attendus. Il y a plein de jeunes sur le trottoir. Ça a l'air bruyant. Musique, lumière. Je demande à Yitzhak pourquoi ils ont choisi celui-là. Il me dit que ce n'est pas de sa faute. Ce sont les autres qui voulaient un endroit moderne. Pas encore un de ces restaurants chics pour enseignants snobs, où celui qui est en bout de table goûte le vin pour tout le monde. Être en bout de table, ce n'est pas une mince affaire, dit-il en riant. On se croirait à une soutenance de thèse. D'un côté le jury, de l'autre, le candidat. Dehors, devant le pub, le bruit est assourdissant. La porte en verre s'ouvre et se referme, continuellement. Entre des flots de gens, des talons hauts, des décolletés, des robes de soirée, remplissant la rue de fumée de concert et d'éclats sonores de musique à gogo. Je pense aux deux garçons, les candidats. On les appelle comme ça, les candidats. Si ça se trouve, ils viennent juste d'entrer dans le pub, avec leur blouson de marque portant l'inscription « King Bowling ». Je pense à ceux qui les voient à cet instant, pareils à tout le monde. Tout comme un jour, ils me verront moi, pareil à tout le monde, camouflé. Dans l'engorgement des klaxons, un fourgon passe avec un panneau publicitaire. Il dit « Qu'es-tu prêt à perdre ?» Et il reste là, à l'arrêt, sous mes yeux, un bon moment coincé au feu rouge. Nous avons laissé la voiture à une place de stationnement interdit. Ou plutôt, c'est une place réservée à une société. Yitzhak dit que de toute façon, ça ne posera pas de problème, ces jours de fête. En réalité, je lui fais remarquer que le nom de la société est arabo-israélien. Pour eux, ce n'est pas un jour de fête. Quoi qu'il en soit, je veux descendre. Ça fait une heure que je respire ce désodorisant pour voiture. L'enseigne de l'établissement indique « Moachataim ». Drôle de nom. Après-demain, je pousse la porte et nous entrons. Dans l'établissement, on se déplace difficilement, glissant parmi la foule qui danse, qui rit, qui attend sa table. Je m'approche. Attablés au centre, les deux jeunes de dos comme prévu. J'avance, me cognant à des jeunes filles en mini-jupe et aux serveurs avec leur plateau. Les deux jeunes que je cherche portent une casquette à la mode. Et sur leur blouson, je lis « King Bowling ». Je passe devant leur table. Je fais mine de chercher les toilettes, juste quelques mètres, histoire de les regarder un instant en face. Je veux voir le regard que j'aurai la prochaine fois, quand je serai à leur place. La prochaine fois que je... C'est là que sous ces casquettes à la mode, je trouve les yeux de Wafa et Hayat. Ma vue se trouble, ma gorge se serre, ma langue devient pâteuse. Ce sont Wafa et Hayat. Les candidates? Mon boîtier est pour elles? Pour Wafa et Hayat? Pour Wafa et Hayat? Wafa... Hayat... Nous cherchons notre table. La musique résonne. Je la sens dans ma poitrine qui retentit, comme si de l'air comprimé me remontait jusqu'au milieu de la gorge pour m'étouffer. Comme un automate, je salue mes collègues, étrangères à moi-même. J'embrasse des gens, étrangères à moi-même. Je leur souhaite bonne fête, étrangères à moi-même. Si je ne veux pas vivre à l'écart du monde, il faut bien que j'essaye de mettre le nez dehors. Je dois rester. Je dois m'asseoir. Ce sera une belle soirée. Je dois rester. Je dois m'asseoir. C'est mon épreuve. Wafa et Hayat. Voilà ma deuxième épreuve. Des gouttes de sueur coulent de mon front, gelées comme des glaçons. l'air me manque. Je fixe le panneau sortie et je m'enfuis en courant. Je m'enfuis. J'ouvre grand la porte. Je m'enfuis. Et je me retrouve devant une gigantesque affiche publicitaire. Le bonheur, moi, je sais ce que c'est. Je m'arrête. Je respire. Le bonheur, moi, je sais ce que c'est. 200 mètres pour presser sur le bouton. Le bonheur, moi, je sais ce que c'est. Je marche. 10 pas. 20. 30. Wafa et Hayat. Le bonheur. Moi, je sais ce que c'est. 50 pas. 70. 100. La deuxième épreuve. Wafa et Hayat. Le bonheur. Moi, je sais ce que c'est. La circulation folle. Le bonheur. Moi, je sais ce que c'est. Je ferme les yeux. Je prends tout l'air que je peux. Le bonheur. Moi, je sais ce que c'est. Le bonheur. Moi, je sais ce que c'est. Le bonheur. Moi, je sais ce que c'est. Le bonheur. Moi, je sais ce que c'est. Le bonheur. Moi, je sais ce que c'est. Allahu Akbar. Je presse sur le bouton, bien à fond. On capte la chaîne américaine ici, même s'il y a des perturbations. Ça suffit pourtant pour se sentir un peu plus là-bas et un peu moins ici. Films, dessins animés, journaux télévisés, sport. La finale des Rangers qui est un rendez-vous obligatoire, sacré. Le bonheur. Et là, tu te sens vraiment comme à la maison. Ce soir, à la télé, y a rien. En plus, la chaîne Stars and Strikes fait des siennes. Bourdonnement continu, elle saute par intermittence. Impossible de suivre. Je zappe. La télé israélienne, la première chaîne, retransmet un talk show sur les droits de l'homme. Ici, ils sont à l'avant-garde, ils s'en vantent. Le seul pays de tout le Moyen-Orient où les homosexuels peuvent se marier. Un type en veste et cravate dit « Nous sommes un exemple ». S'il disait ça là où je suis née, les religieux seraient déjà dans la rue. Le type ajoute qu'en Israël, l'avortement est interdit. S'il disait ça là où je suis née, les religieux lui érigeraient une statue. Je zappe. Téléfilm. Des jeunes en uniforme. Ici, le service militaire dure 3 fois plus longtemps. Et même les femmes le font, toutes. Interruption des programmes. Flash info. 2 jeunes filles se sont fait sauter dans un pub. Il était plein à craquer, soir de fête, des dizaines de victimes. M'intéresse pas. Je zappe. J'ai surmonté mon épreuve. Je referme la porte de la maison derrière moi. Je m'adosse au mur. Je souris. J'ai salué mon collègue qui m'a raccompagné. Ça a pris plus de 2 heures. Il y a eu un attentat dans un pub. La moitié de la ville est bloquée. La télé a annoncé la nouvelle pendant que nous étions assis pour dîner. Et à partir de là, on n'a parlé que de ça. Ici, ce sujet est comme un aimant. Il attire tout. Tu ne peux pas résister. Il ne laisse de place à rien d'autre. Ce n'est pas nouveau, je suis habituée. Non, pour moi, la grande nouveauté ce soir est d'un autre ordre. Pour la première fois, j'ai acquiescé. Un petit mouvement de la tête, imperceptible, très petit, mais je l'ai fait sans le vouloir. Peut-être que non. Peut-être que je le voulais. Mais je l'ai fait. J'ai acquiescé. Quand Yitzhak a dit « Si j'étais médecin, je refuserais de les soigner » ou quelque chose de ce genre, je ne sais plus. Moi, j'ai acquiescé. Le téléviseur plein de morts. Les sirènes. Les éclats de verre. Comme au Supersol. Moi, j'y étais par terre parmi les éclats de verre. Est-ce pour cela que j'ai acquiescé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je l'ai fait. C'est tout. Je l'ai fait. Avril 2003, une soirée pluvieuse. Le signalement qui arrive en urgence indique que l'opération est de niveau rouge. Quand le danger est maximum, c'est toujours de niveau rouge. Cela signifie intervenir immédiatement. Les services secrets font comme les pêcheurs à la ligne. L'appât est pour un seul poisson. L'hameçon est pour un seul poisson. Mais dans la mer, il y en a des millions. Il y en a un qui va mordre, un seul. C'est la même chose pour ceux qui se font sauter. Il y en a un sur 100, sur 1000 qui fait une erreur. Et nous, on va l'attraper. Nous, en se précipitant un instant, juste un instant avant. Le signalement indique qu'aujourd'hui, à 22h, une jeune fille, 20 ans, avec un sac à dos orange, se fera sauter dans un bar en plein air à Rishon-LeZion. Nous sautons dans les fourgons. Tireurs d'élite, armes au poing, tout de suite, intervenir. Allons-y. Avril 2003, une soirée pluvieuse. Je bois mon thé dans un gobelet en plastique. Lentement, une gorgée après l'autre. Lentement. J'ai toujours aimé le thé froid. Je compte les gouttes alignées sur mes lèvres. 1, 2, 3... La pluie se condense sur les bâches en plastique de ce bar en plein air à Rishon-LeZion. Le toit rouillé goutte. Sur les tables, il y a de petites flaques. La carte des glaces. Un palmier encerclé de lumière clignote, rouge et bleu. Clignote, rouge et bleu. M'hypnotise, rouge et bleu. Toujours pareil, rouge et bleu. 8 avril 2003, une soirée pluvieuse. Depuis la fenêtre du taxi, les maisons en béton défilent comme dans un film. Toutes pareilles, parfaitement alignées, Comme si des enfants les avaient construites sans s'appliquer, sans inventer, alignées, bien rangées. Des maisons. Il n'y a pas âme qui vive dans ces rues qui vont vers la mer, surtout après le coucher du soleil. J'ai donné l'adresse au chauffeur. Rishon Lezion. C'est là que je dois aller. J'ai rendez-vous avec un collègue qui habite dans le coin. On m'a invité demain. Je dois faire une conférence sur le thème « Notre identité ». Je sais comment que par ici, identité ne signifie pas qui nous sommes, mais ce que eux ne sont pas. Peu importe, j'ai accepté d'instinct sans poser de questions. Le taxi s'arrête. Le numéro de la rue est exact. Un palmier encerclé de lumière clignote, rouge et bleu. Dans la nuit, elle se détache. Les tables sont recouvertes d'un auvent, la pluie cogne dessus. Je mets mon châle à fleurs sur ma tête. Il me protégera du taxi jusqu'au bar. Je paye le chauffeur et je descends en vitesse. Le voile à fleurs d'une femme à l'entrée attire mon attention. Puis je comprends. Ce n'est pas un voile. Elle se protège simplement de la pluie. Ce n'est pas une des nôtres. En effet, le voile est déjà devenu un châle. Elle entre, essuie ses chaussures mouillées. Elle s'assoit deux tables plus loin. Elle commande un thé. Mais pas dans un gobelet en plastique. Elle le demande dans une tasse. C'est bizarre comme parfois, certains détails en disent long. Le même thé. Moi dans le plastique, elle dans le verre. Le même tissu. Pour moi, un voile. Pour elle, un châle. La femme coiffe ses cheveux. Pourquoi ai-je l'impression que le monde leur appartient, même quand ils se recoiffent? Je n'arrive pas à ne pas la regarder. Une jeune fille palestinienne, assise à deux tables de moi, n'arrête pas de me fixer depuis que je suis entrée. Elle boit un thé. Dans un gobelet en plastique, en fixant mon thé que j'ai demandé dans une tasse. Comme si c'était un affront, ou pire. Pourquoi ai-je l'impression que le monde leur appartient, même quand ils boivent du thé dans un bar? Je change de place. Des gouttes continuent à tomber du toit. Elles tombent, du fer rouillé sur ma tête, mais ce n'est pas pour ça que je change de place. C'est parce que ses yeux posés sur moi me dérangent. Voilà, je m'assieds ici. Je lui tourne le dos. Intervention d'urgence. Notre Jeep roule à plein gaz. C'est la première fois que nous roulons à toute allure pour intercepter une candidate prête à accomplir la volonté de Dieu. Alors je me dis que nous roulons à toute allure pour intercepter la main de Dieu. Unité d'intervention, tireurs d'élite, armes au poing, tous contre cette jeune fille avec un sac à dos orange. Tous contre la volonté de Dieu. Nous bifurquons sur la zone de Rishon Lezion. On y sera bientôt. La femme juive me tourne le dos à présent. Elle s'est levée et a changé de place. Comme ça, elle ne me voit pas. Je n'existe pas. C'est facile de fermer les yeux, de tourner le dos. Il suffit de changer de place et nous n'existons pas. Dans mon dos, je sens le regard de la jeune fille, toujours fixé sur moi. Je l'aperçois qui se reflète dans la vitre du bar. Et même si je ne la voyais pas, je la sentirais accrochée comme de la colle sur mon châle à fleurs, qui ressemble tellement à son voile. Des gouttes continuent à tomber du toit. Elles tombent. Du fer rouillé sur ma tête. Je me protège comme je peux avec la main. La jeune fille me fixe encore. Qu'elle continue, qu'elle fasse ce qu'elle veut, je l'ignore. Prêt à l'action. Au bout de la rue, un palmier encerclé de lumière clignote, rouge et bleu. Étincelle à travers la pluie, on se rapproche. La pluie cogne sur l'auvent. Trois personnes, viennent s'abriter dessous. Et elles sont tellement trempées qu'en passant, elles mouillent mon voile. Trois personnes viennent d'entrer. Elles se sont pris une de ces averses. Aucune des trois n'est le collègue que j'attends. L'établissement est sûrement celui-là. Trois personnes viennent d'entrer pour s'abriter de la pluie. Il y a deux personnes âgées. La troisième est une jeune fille. Une fille comme moi, un peu plus grande, avec un voile gris. Nous approchons. Tireurs prêts. La jeune fille a un sac à dos orange sur les épaules. Elle le retire, le pose sur la table, entre elle et moi. La jeune fille a un sac à dos orange sur les épaules. Elle le retire, le pose sur la table, entre elle et moi. Des gouttes continuent à tomber du toit. Elles tombent, du fer rouillé sur ma tête. J'ôte mon châle à fleurs de mes épaules. Je le mets sur ma tête, il me protégera. D'ici, on voit le sac à dos orange, posé sur une table. Trois femmes sont assises autour. L'une a sur la tête un voile à fleurs. L'autre, un voile gris. La troisième, un voile à fleurs. La jeune fille a un sac à dos orange sur les épaules. Elle le retire, le pose sur la table. Entre elle et moi. Entre elle et moi. Les trois femmes sont pareilles. Un tireur pour chacune, en ligne de mire. Entre elle et moi. Entre elle et moi. Réglons le problème avant qu'il ne soit trop tard. 8 avril 2003. 8 avril 2003. 8 avril 2003. À 22h04. À 22h04. À 22h04. Rishon LeZion, Tel Aviv. Rishon LeZion, Tel Aviv. Rishon LeZion, Tel Aviv. Un vacarme. Un vacarme. Un vacarme.